littoral français est le parent pauvre de notre archéologie nationale. Bien peu de recherches y sont entreprises, alors qu'il s'agit d'un milieu fréquenté depuis des millénaires, très riche mais aussi très menacé par les tempêtes, la remontée des eaux marines, l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, ce que vous propose le magazine d'archéologie de France Culture est une archéologie pionnière, très particulière, celle des polders, paysages de prés salés, de digues, de levées de terre, insoupçonnés en France, mais bien connus de la Belgique à la Hollande. Un travail gigantesque pratiqué par des communautés du Moyen-Âge, voulant mettre en valeur ces zones de marécage entre terre et mer. Pour découvrir ces fameux polders, nous nous sommes rendus dans les environs de Dunkerque, où archéologues et géomorphologues sondent, carottent et fouillent des centaines d'hectares à la recherche de ces techniques d'assèchement des sols. C'est le long d'un petit bois, au pied d'une digue millénaire, créée d'une brèche réalisée par la violence de la mer, que j'ai retrouvé Samuel Dezouter, archéologue de l'INRAP et responsable de cet impressionnant programme de recherche. Samuel Dezouter, nous sommes à quelques kilomètres de Dunkerque. D'ailleurs, on voit au loin des grues. Nous sommes dans un milieu absolument, totalement plat, très peu de végétation. Et nous sommes bien sûr dans la frange littorale. Comment pouvait-on se représenter le paysage avant les grands aménagements médiévaux ? Alors, nous sommes dans l'estuaire de la rivière qui prend sa source à l'arrière dans la Flandre intérieure, côté Saint-Omer. Et ici, c'est une sorte d'estuaire, hein, un énorme bassin. Cette rivière va divaguer dans une zone basse avec plusieurs bras, la Déna, la Colme. Et du coup, on se retrouve dans un paysage d'estuaire. Dans ce paysage, qui sédimente naturellement, puisqu'on a une entrée maritime, hein, la mer qui rentre dans des chenaux à l'intérieur des terres, mais aussi une arrivée de rivière qui vient de l'intérieur des terres, et donc un mélange d'eau, eau douce et eau mer, qui donne un paysage un peu marécageux, d'eau saumâtre, dans lequel va se déposer les matériaux apportés par la mer et par la rivière. Et puis après, il va voir le nouvel arrivant. L'homme va essayer de conquérir ces terres pour essayer de les bonifier, essayer de gagner de l'espace agricole. Alors justement, ce ne sont pas des terres très privilégiées. On peut imaginer au départ qu'il n'y avait pas grand-chose. D'un seul coup, et c'est à la période médiévale, que l'homme essaie de conquérir sur la mer. Vous n'aimez pas ce terme-là, je crois. Oui, la conquête, c'est... Bon, voilà, ça fait rivalité, en fait. C'est une interaction entre homme et paysage, plutôt. En effet, à l'époque médiévale, à la fin de l'époque carolingienne, alto-médiévale, vers le Xe siècle, ici, les premières dates donnent Xe siècle, elles ont tendance à descendre. Ça y est, on commence à passer en dessous, 8e, 9e pour les occupations les plus anciennes à l'extérieur de l'estuaire. Donc on voit qu'en fait, au fur et à mesure, l'homme va avancer dans cet estuaire. Et donc il va conquérir des terres, en effet, là j'ai pas d'autres termes, gagner des terres peut-être. Et ils vont avancer par un système de digues. Donc ils vont faire des sortes de levées de terre associées à des creusements, des énormes fossés paysagers. Et ça va leur permettre de drainer et d'assécher la zone. Donc on part notamment par les bords orientaux et occidentaux de l'estuaire et on gagne, on prograde dans l'intérieur des terres pour gagner de la terre agricole à vocation, qui va devenir à terme des terres agricoles. Mais ce n'est pas le cas au début. Au début, ce sont quand même des petites exploitations fermières, agro-pastorales, hein, avec petits cheptels, des moutons de prés salés qu'on laisse paître dans l'estuaire. Et au fur et à mesure des siècles, parce que c'est un processus qui prend quand même beaucoup, beaucoup de temps, on va gagner de la terre agricole pour la céréale et qui sera à mettre en parallèle avec l'essor des villes. Ici, on est dans les Flandres, Flandres maritimes côté français. Et donc, à cette époque, pour l'époque médiévale, on va voir l'essor en Flandre des grandes villes, hein, type Gand, Bruges, Anvers. Et donc, ça va être l'appel à des nouveaux besoins, de la nourriture, en pleine expansion. Alors, le but, c'est bien sûr d'éviter que l'eau de mer rentre. C'est aussi contrôler l'eau qui arrive, qui est continentale, pour qu'elle puisse s'échapper. C'est aussi créer des digues, c'est bien ça ? Le moyen de gagner ces terres, en effet, c'est l'endiguement. Donc c'est un système de levée de terre, hein, qui va protéger les terres occupées par l'homme. Et on va, au fur et à mesure, également, comme vous le disiez, canaliser les eaux qui viennent de l'espace intérieur, du continental, ce qui va le permettre de les évacuer vers la mer, en fait. Voilà. Donc ce système de polder, c'est classique ici, dans les zones de grand marnage, c'est-à-dire des zones de dépôt importantes de mer, c'est-à-dire la Hollande. La Hollande est typiquement une zone de polder qui a été gagnée. Ce sont des terres qui ont été c'était gagner sur la mer. Donc là, ici, on gagne des terres, mais sur l'estuaire. La Hollande, c'est on gagne des terres sur la mer. Donc c'est vraiment un système très, très important. Et donc tout ce système dépend de le drainage, l'évacuation des eaux et la manière dont on contient les eaux latéralement, mais aussi en front de mer. Parce qu'on peut, à partir ici, à partir du 12e siècle, 13e siècle, on va faire des digues de front de mer. Donc on va essayer de fermer les estuaires, justement pour éviter les apports maritimes. Ce qui est étonnant, c'est que cette zone de polder, elle existe bien sûr en Hollande, en Belgique, mais aussi en France donc. Oui, c'est ici la plaine maritime flamande, elle part de la frontière belge, donc à l'est de Dunkerque, et c'est toute la plaine maritime dunkerquoise, quasi jusque Calais. Voilà, c'est l'estuaire de l'Aa et de la Hême, donc c'est une autre rivière, et ça fait à peu près une cinquantaine de kilomètres, et puis en profondeur une douzaine de kilomètres. Après, c'est pas des estuaires de rivières importantes, avec des gros débits, là, c'est pas une rivière qui a un gros débit. D'ailleurs, elle a un problème, d'ailleurs, cette rivière, puisque l'eau a tendance à stagner à l'arrière des cordons dunaires, donc on se retrouve vraiment dans un paysage marécageux. C'est pas l'Escaut, on va dire, c'est pas le Rhin, c'est pas le Rhône non plus, voilà, donc c'est vraiment des rivières à petit débit, quoi. En fait. Donc l'homme va essayer de contrôler cette eau, peut-être même la stocker, pour d'un seul coup la relâcher pour qu'elle puisse s'échapper. Alors voilà, le système de drainage passe par tout un système de fossés, des zones de stockage. Donc qui dit gestion des eaux dit aussi écluses, système de prélèvement, système de stockage, donc des énormes mares qui permettraient de stocker ces eaux. Puisque ici, une question se pose, hein, évidemment, notre eau du sous-sol est un peu saumâtre. Et donc, pour les hommes de l'époque médiévale, la question est comment on alimente en eau douce un cheptel, voire une population. Et donc, on va voir apparaître des énormes mares endiguées qui vont permettre de récupérer les eaux de pluie et de les stocker en fait près des habitats pour les époques médiévales. Les premières sont probablement dès le 10e, 11e siècle, les datations sont à préciser, mais on a vraiment un gros essor 12e et 13e siècle. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous fouillez 900 hectares, c'est absolument gigantesque, ça fait depuis, je crois, 2015 que vous êtes sur le terrain, donc ce sont des années et des années, je crois que vous en avez encore pour quelques années, et ce que l'on voit, c'est que, bien sûr, les digues n'appartiennent pas toutes à la même époque. On voit ce grignotage, je vais dire, de l'embouchure et de la mer petit à petit. Exactement. En fait, on arrive maintenant, en travaillant sur des grandes surfaces, on arrive à faire une archéologie du paysage et à voir la progradation, donc vers l'intérieur de l'estuaire, des digues. Et donc, les digues les plus anciennes sont à l'extérieur de l'estuaire. Et on prograde, on avance au fur et à mesure qu'on canalise le chenal et qu'on maîtrise les entrées maritimes et la rivière. Et donc, les habitats se répartissent sur un estuaire, bon, nord-sud, hein, voilà. Les plus anciens se trouvent le plus à l'est, par exemple, ou à l'ouest, et elles avancent. Au fur et à mesure, on voit les datations qui avancent. Et on transforme les anciennes terres occupées en terres agricoles, en terres pour le cheptel, en zone de pâturage, voilà. Et donc, ce système de progradation, en fait, nous permet d'avoir une lecture du paysage qui évolue. Et surtout, c'est pour ça que la conquête, elle n'est pas soudaine. C'est vraiment des processus longs qui vont perdurer du 10e jusqu'au 15e siècle, quasi. Et qui sont encore actuellement. La société des Watrins qui gère ces systèmes de canaux, en fait, existe encore actuellement. Et c'est une société qui a été fondée à l'époque médiévale et qui gère encore actuellement le système de communication et de gestion des eaux. Samuel de Zouster, moi, je ne les vois pas, ces digues. On est dans un paysage qui est absolument, totalement plat. Eh oui, elle n'existe plus. Il n'y a plus de levée de terre, en fait. Malheureusement, ici, on a eu, notamment dans la partie française, des énormes phases de remembrement. Et donc, la transformation des terres en terres agricoles fait que tout ce qui gênait un petit peu l'agriculture, en fait, a été aplani. Et donc, les levées de terre, on les a plus. Nous, ce qu'on retrouve en archéologie, ce sont les creusements dans le sol importants. Et c'est vrai que c'est un peu gênant pour nous de parler de digues, parce que les levées de terre, on les a plus en élévation. Ce qui n'est pas vrai, par exemple, le cas en Hollande. En Hollande, ils ont préservé énormément les levées de terre, parce que, ils sont sur des altitudes vraiment plus basses, et ils continuent à polderiser, en fait, leur paysage. Mais deux, il y a eu aussi, historiquement, des sociétés de protection du patrimoine, la société de protection des terpes, qui fait que dans les années 50, ils défendaient déjà le patrimoine bien avant nous. Donc là, on a 50, plus de 50 ans de retard sur eux par rapport à la perception de la culture de ces espaces et puis à ce qu'on en a fait par la suite, quoi. Ici, où nous sommes, on est juste au-dessus du niveau marin, des hautes mers. La plaine maritime, ça culmine à 2,50 m NGF à peu près. Donc on est vraiment sur la limite des hautes mers. Et surtout ici, ce qui permet cette gestion des eaux dans les canaux, ça permet justement de gérer, de diffuser la montée des hautes mers. Et non pas de barrer, en fait. Voilà. C'est l'enjeu de ces wateringues, en fait. C'est d'essayer de diffuser la levée, le courant d'eau et les marées hautes. Quoi. Alors pourquoi tous ces aménagements? Quel est le but final? Le but final, c'est de gagner des terres, clairement. En fait, l'homme intervient ici pour maîtriser son paysage, ne plus avoir d'effet de tempête, des pics qui inonderaient des terres propices à une production agricole, une production économique, puisque en fait, on a les grandes villes qui se développent et donc il y a un essor économique global de la région. Et donc, on a besoin de nouvelles productions. En fait, voilà, c'est d'abord un système économique. Mais c'est un travail considérable. Il y a forcément donc un pouvoir fort derrière. Exactement, ces aménagements, ce ne sont pas deux, trois petites exploitations qui se disent « tiens, on va lever une digue et on va se protéger ». C'est une véritable rationalisation du paysage à travers l'époque médiévale et puis une planification, parce que ces aménagements se font sur des centaines de mètres, même des kilomètres. Les digues, elles nous permettent de contenir l'estuaire du nord au sud sur une bonne... je pense qu'on n'est pas loin des 5 kilomètres là. Les digues permettent ça et c'est surtout des travaux assez importants. Comme on ne peut pas travailler sur les levées de terre, on ne connaît pas leur élévation. Sur les fossés, par exemple, en fait, on a quand même des distances, donc je disais, de grande importance. Et puis, surtout, des profondeurs aussi très, très importantes. Là, par exemple, on a des aménagements de mares qui peuvent descendre là entre 3,50 m et 5 m de profondeur, dans des substrats sableux, donc c'est assez compliqué à faire. Donc ça nécessite une organisation. Un volume de travail important. Alors nous, on mécanise là actuellement, on a la chance d'avoir des engins mécaniques. À l'époque, ça devait être une organisation de chantier vraiment très très importante qui nécessite beaucoup de bras en fait pour faire ces travaux. Des bras et puis peut-être des animaux aussi. Ah oui, sûrement, oui, ils utilisaient évidemment la force animale. On retrouve dans les occupations médiévales, dans les habitats ruraux, là, alentour, on retrouve les animaux de la ferme qui ont des traces de forçage. Donc évidemment, ils sont utilisés, pour le travail agricole et probablement pour les grands travaux, en effet. Un des buts, c'est bien sûr aussi faire de l'élevage, mais pas du bœuf, visiblement, c'est plutôt le mouton. Alors le mouton, dans un environnement de présalé, en fait, ça permet de le laisser paître et ça mange, ça sélectionne un peu les herbeux, donc ce qui permet de favoriser le développement du score. La vache, c'est tout, on mange tout, et du coup, ça aurait tendance plutôt à régresser. Donc c'est pareil, on parlait d'organisation de société, là il y a des choix qui sont faits dans les élevages, ce qui va favoriser, qui va dans le même sens que les aménagements du paysage, ça va favoriser le développement du score. Et donc le développement du score, donc après l'implantation de l'homme dans ces paysages. L'important, c'est l'argile. L'important, c'est l'argile, ouais, c'est un bon slogan. C'est-à-dire que l'argile, en fait, c'est un matériau plus stable, voilà, et puis il peut être exploitable beaucoup plus, en fait, beaucoup plus par l'homme, en fait. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Alors ce pouvoir fort qui a lancé tous ces travaux, c'est qui? C'est la royauté? Alors c'est les comtes des Flandres, évidemment. Dès le Xe siècle, en fait, on a les comtes des Flandres. D'abord Baudouin, puis après la maison d'Alsace, où là, ils ont lancé une vraie organisation, une vraie politique de rationalisation du paysage. Et donc c'est eux qui ont lancé, dès le Xe, et vraiment les grandes phases avec des longs règnes au XIIe et XIIIe siècle, où là, on a les barrages d'estuaires, les aménagements de digues qui ont permis cette colonisation. Vous avez les archives de tout ça? Les archives du sol, c'est vous qui les fouillez, mais les archives, elles doivent être là. Elles sont là, elles sont en flamand, donc on a quelques difficultés, évidemment, on est francophone, donc voilà. Et donc nous, on se base beaucoup sur les travaux de nos collègues chercheurs hollandais et flamands, côté belge, pour ces périodes-là, en tout cas, pour les périodes anciennes. Pour les périodes plus récentes, quand on est sous l'influence française, le Louis XIV, on a la Société des Wateringues, on espère pouvoir travailler sur leurs archives rapidement, notamment pour les sources historiques et sources d'histoire, historique, oui, l'histoire, et surtout, nous, on travaille sur la toponymie, et on travaille sur les premières mentions des wateringues, des watergangs, des lieux-dits, et puis les origines des paroisses également, en fait. Ça nous permet de statuer un petit peu sur les villages, si ce sont des créations récentes ou des créations anciennes. Alors, les digues sont solides, mais elles craquent quelquefois. Et là, nous sommes devant une digue qui a craqué, c'est ça? Alors c'est ça, on est sur le tracé oriental de l'estuaire de l'Aa. Là, ici, on est typiquement sur un endroit où la digue a battu. Et donc, on a un phénomène d'ombilique de brèche, donc ce qu'on appelle une levée de terre qui rompt sous l'influence de la mer, enfin de l'estuaire. Et donc, on se retrouve avec une sorte de goulet. Et à ce moment-là, l'eau s'engouffre et elle va creuser quand même très très profondément avant d'inonder les terres qui sont derrière. Ensuite, le chenal, il va divaguer spatialement, latéralement, il va se retirer, et là, les hommes vont arriver sur la digue, vont essayer de la réparer, et ils vont tenter d'aménager ces trous en mare, soit pour les récupérer du côté de leur habitation, pour les transformer en mare pour le cheptel, soit les rejeter vers l'estuaire pour qu'elles se remplissent une nouvelle fois par les dépôts marins. Et donc ici, on est sur un ombilique de brèche qui est très profond. Là, on est à plus de 5 mètres et on n'est pas au fond encore. Les travaux là, mécanisés et les rabattements de nappes nous permettent de descendre à ces profondeurs-là parce que sinon, la nappe phréatique, on est à 1 mètre, 1,50 mètre et on serait sous l'eau et sous les eaux. Donc vous pompez en permanence ? On pompe en permanence le temps des travaux, voilà. Après, on enregistre toute la donnée, on fait des prélèvements des barres palinaux pour essayer d'étudier les environnements piégés dans ces événements, hein, puisque c'est un événement assez ponctuel finalement dans l'histoire, mais ça va nous donner une séquence, c'est-à-dire les pollens, l'environnement, peut-être même les foraminifères, c'est-à-dire les choses qui se déposent et qui réagissent beaucoup à la salinité. Donc on va voir si c'est des milieux marins ou des milieux saumâtres ou des milieux en eau douce en fait. Voilà. Ces petits organismes-là, en fait, ne sont pas visibles à l'œil nu. Donc il faut prélever et puis après on fait les études en laboratoire. Et avec un peu de chance, on aura une date C14 sur un bois bien placé dans la stratigraphie. Quoi. Et vous pourriez donc dater un événement très important, une tempête, un tsunami par exemple. Par exemple, ça se peut. Dans les textes historiques, il y a des villages qui ont disparu de la carte, hein, Hollande par exemple, sous les effets de rupture de digues et d'inondations. Et donc des événements ponctuels, il y en a quelques-uns qui sont cités dans les sources historiques en effet. Donc là, si on a le bon prélèvement au bon endroit, on pourrait en effet dater les premiers dépôts au fond de l'ombilique de brèche. Voilà. Là, sur celui où est-ce qu'on est actuellement, on voit que l'homme a essayé d'aménager ce trou en bloquant les parois, en faisant des aménagements de bord avec des levées de blocs de marée maritime, etc. Et je pense qu'il s'est fait un peu rattraper par la nature. Et finalement, l'état final, ça n'a pas été transformé en mare d'eau douce. Ça a été remis sous influence marine. Et donc, on a 3,50 m, 4 m de dépôts marins laminés avec à chaque fois les alternances sable-argile, c'est-à-dire les influences à chaque fois des dépôts de marée. Quoi. C'est-à-dire qu'ils ont pratiqué une sorte de... Ils ont rejeté la mare à l'extérieur et dans le tracé linéaire de la digue, ils ont fait une sorte d'encoche orientée vers la mer. Exactement, on a l'ombilique de brèche qui s'est créé avec l'entrée marine. Ensuite, l'homme essaye de retravailler la mare. Et en fait, au final, il se dit non, c'est pas possible. Et donc, on recrée une digue qui va l'entourer, mais plutôt dans sa partie orientale. Donc, en fait, ça reprotège la mare et ça rejette la mare côté estuaire. Ce que vous avez aussi, ce sont des villages. Parce que derrière les digues, il y a les hommes, les animaux et donc les villages. Alors les villages, je ne sais pas si on peut parler de villages vraiment, puisque là pour l'instant on n'en a pas, mais c'est plutôt des lotissements d'habitats ruraux. Donc c'est-à-dire que contre cette digue, à un moment elle reste dans le paysage quand même longtemps, elle est fossilisée dans le parcellaire jusqu'à l'époque contemporaine. Et on la voit bien sur le cadastre napoléonien, dans les années 50 on le voit bien dans le cadastre également. Et en fait, contre cette digue vont venir se placer des séries de fossés qui vont délimiter des parcelles lanières, et dans chaque parcelle on va avoir une implantation agricole type habitat rural, agro-pastoral également, hein, sûrement pour les époques, on est entre là, les datations sont entre le 12e et le 14e siècle, ce qui veut dire que la digue au final elle doit encore être visible dans l'espace, dans le paysage, donc ça marque vraiment, ça perdure dans le paysage. Eux, ils viennent s'implanter contre cette digue, mais bon, la mer est plus là, l'estuaire il est probablement beaucoup plus loin à l'ouest en fait. Voilà. Ces villages, ils se présentent comment ? Avec des maisons, des greniers ? Alors, ce sont des habitations un peu typiques, hein, c'est-à-dire légères, en bois, architecture de torchis, de la paille pour la toiture, et des celliers, des zones de stockage dans le sol. Donc ce sont plutôt des petites surfaces, et l'architecture est assez mixte. Hein, on voit selon les époques une architecture d'abord des plans de maisons sur poteaux, et ensuite à partir du 13e, 14e, là on a les sablières, on a une architecture mixte avec sablières basses, poteaux, celliers, et également apparition de tout ce qui est briques de sable qui est cuit, puisque ici on a tous les matériaux qu'il faut pour produire ce genre de choses. C'est quoi une construction sur sablière basse ? Alors une sablière basse, c'est une tranchée de fondation dans laquelle on va mettre un bastin en bois et sur laquelle on va monter le reste du mur. Alors que le bâtiment sur poteau, c'est vraiment, on n'a que les éléments de poteau porteurs sur lesquels on va venir greffer les parois. Quoi. Donc c'est une autre conception de la construction, vraiment. Voilà. On produit beaucoup, visiblement. Toute cette production, elle est destinée à qui ? Alors ici, l'essor de ces espaces va avec l'essor des villes. Donc c'est vraiment, on retrouve les productions ici dans les villes, hein, donc production agricole, production de laine, production textile, de lin aussi hein, en fait, et la viande également probablement pour le cheptel. Parce que toutes ces villes, elles ont été créées au XIIe siècle. Côté français, en fait, les anciennes villes sont à l'intérieur des terres. Donc on a ce qu'on appelle les Ringwalburgen. Ce sont les villes à plan circulaire. Et ici, sur l'estuaire de la Haas, c'est Bourbourg qui est à l'intérieur, qui est au bout de l'estuaire, en fait. Voilà. Estuaire qui est probablement navigable. Donc ça veut dire que Bourbourg possédait un port et était probablement accessible en bateau pour les époques anciennes, c'est-à-dire 10e, 11e siècle. Au 12e, 13e siècle, on voit bien que en fait, on produit. Et pourquoi on produit ici de manière intensive? Parce qu'il y a le développement de nouvelles Novus Portus, donc des nouvelles villes qui vont se construire à l'avant. Donc Bourbourg marche avec Gravelines, on a Berg qui marche avec Dunkerque, on a Furnes, et puis ça va être vrai sur toute la Zélande jusqu'à la Zélande en Hollande, quoi. Donc on a vraiment un essor des villes, essor des champs. On a tendance à dire ça, en fait, c'est-à-dire que s'il y en a un qui a beaucoup de demandes, ça nécessite aussi une grande implantation, puis un grand développement des campagnes, quoi. Et puis donc, on bouche même les estuaires à peu près à cette date-là. L'idée, c'est de pouvoir contrôler toute la côte. Pouvoir contrôler toute la côte et aussi rationaliser le commerce, c'est-à-dire une économie, une nouvelle fois. Hein. Les paysans qui pouvaient s'installer ici au 10e, 11e siècle avec une entrée maritime avaient accès probablement à plein de biens d'importation. Ici, on est plutôt sur les influences rhénanes. On a des céramiques qui viennent, la Pingsdorf qui vient du bassin rhénan, la Bodorf. On a même un bois, par exemple, à Lonneplage qui vient probablement de Suède par flottaison. C'est probablement plus facile de faire venir en bateau par la mer que de faire traverser toutes les rivières du bassin parisien, par exemple, depuis le bassin parisien. Donc, pour ces périodes anciennes, on a des communautés qui sont très, très ouvertes, en fait. Voilà. Et pour les périodes, là, au XIIe, XIIIe siècle, sous la maison d'Alsace, on a une rationalisation en fait, des espaces. Donc ces fermes, elles n'ont plus accès, puisque comme on a tendance à fermer les estuaires, elles n'ont plus accès à des marchés un peu disparates sur tout le long de la mer du Nord. Et là, on passe par des villes. Et donc, qui dit ville, dit taxe aussi, en fait. Samuel de Souterre, on produit visiblement beaucoup. Vous êtes tombé sur des sortes de greniers très, très particuliers. On produit tellement qu'on essaie de stocker comme on peut le foin, par exemple. Oui, pour les époques vraiment importantes où c'est vraiment le plein essor, 12e, 13e siècle, on a une multiplication de ce qu'on appelle, enfin ce que les traités agricoles du 19e appellent des mulotins. Donc ce sont des fossés circulaires pour meules de foin ou meules de céréales, hein, en fait. C'est une technique assez classique puisque du coup c'est encore utilisé par exemple dans les pays de l'Est. On creuse un fossé circulaire, alors de dimensions variables, hein, au sein duquel en fait on va élever une meule, pas sur des piquets ou sans piquets. Et cette meule, on va la protéger par un chapeau en bois, hein, qui permet de faire d'évacuer les eaux de pluie au pied de la meule. Et pour éviter le pourrissement de la meule, en fait, on crée un fossé qui permet de contenir ces eaux et de les évacuer. Il y a des exemples en Belgique également où ils ont retrouvé dans ces fossés des pièges à souris. Donc ce sont des fosses dans lesquelles ils ont mis des céramiques à col fermé. Et à l'intérieur, ils ont retrouvé plein de petits ossements de souris et de rongeurs. Donc on voit bien l'utilité, c'est-à-dire, un, ça permet de drainer, et deux, ça permet de piéger les animaux rongeurs pour ce foin ou ces céréales qui sont très utiles. C'est des structures un peu éphémères, hein, ça veut dire qu'à chaque saison on peut en recreuser d'autres et on les retrouve près des fermes mais également au milieu des champs. Là il y a un travail actuellement sur la répartition un peu spatiale et des prélèvements de phytolithes pour essayer de caractériser les céréales qu'on stocke dans ce genre de structure. À partir du 14e siècle, tout change. Nous ne sommes plus dans un paysage de petites fermes. Il va y avoir un grand changement. À partir du 14e, on voit bien qu'il y a une sorte de rationalisation d'espace et que les domaines augmentent. C'est-à-dire, c'est fini la petite exploitation avec les systèmes lanières, les petites occupations. Là, on a vraiment des gros domaines, c'est-à-dire vraiment des grosses fermes qui s'implantent et puis un grand domaine d'exploitation autour. Pour cette période-là, se passe pas mal de choses. Hein. On a les guerres, on a la peste, on a des troubles sociaux en Flandre aussi et des troubles politiques. On a le petit âge glaciaire qui fait aussi que, en fait, on va assister à une déprise sociale générale de la société. Ce qui fait que le petit âge glaciaire fait que, par exemple, en fait, on va avoir des céréales qui vont être moins bonne, des augmentations des prix et donc des révoltes paysannes aussi notamment. Et donc en fait ça, on voit aussi que les terres sont aux mains de quelques grands propriétaires terriens qui développent ces domaines et qui auraient tendance quand même beaucoup à ne pas entretenir ce système de digues et tous ces aménagements paysagers. Et donc en fait on a aussi des problèmes de rupture de digues une nouvelle fois à ces périodes-là, des problèmes d'entretien, des wateringues qui se sédimentent et qu'on ne sait plus utiliser en fait. Alors ce qui est étonnant, c'est que des mondes marécageux comme ça, il en existe quand même beaucoup en France, je pense aux Charentes, Charentes-Poitou, où l'on en a. Durant des grandes tempêtes, ces digues du 12e, 13e siècle sont toujours quelquefois présentes et tiennent face aux tempêtes? Oui, elles tiennent le coup en fait dans certains endroits, et c'est même une redécouverte parce que ils avaient une sacrée connaissance quand même du territoire et de sa gestion. Ici on voit que la société des wateringues, elle existe encore, donc elle continue à exister, elle continue à gérer, mais avec les moyens modernes. Hein. On a des gestions maintenant par ordinateur, par caméra, qui gèrent les gestions d'écluses et d'évacuation des eaux. Mais je pense que c'est vraiment des systèmes qui se sont instaurés à ces époques-là et qui perdurent encore de nos jours, quoi. Samuel de Souter, pourquoi la France a-t-elle 50 ans de retard sur la recherche dans ces zones humides et littorales par rapport à la Hollande ou la Belgique ? Alors on a ici notamment sur la région de la Carquoise, on avait une approche de la géologie qui était quand même très très différente. Ici on a ce qui a été appelé les transgressions dunkerquiennes, donc c'est-à-dire des grands phénomènes d'inondation. On avait dans l'idée, dans la perception de l'homme, la mer s'avançait dans les terres et inondait tout. Si bien qu'on a dit, il n'y a pas d'archéologie. Ce qui fait que les archéologues, en fait, n'allaient pas dans cet endroit-là en se disant, non, c'est pas la peine, il n'y a pas d'archéologie, puisque c'était la mer, ça a tout remobilisé, on trouvera jamais de gallo-romains, etc., etc., par exemple. Et en fait, si on fait 20 km et on va en Belgique, la perception, par exemple, de la carte géologique belge était tout autre. On avait des chenaux d'entrée marine à l'intérieur des terres, on avait des dépôts vraiment très profonds, avec au bout des estuaires, des villes, etc. Alors que côté français, on avait vraiment des grands aplats en disant, c'est la mer, ça dépose sur 2 mètres et donc il n'y aura rien. Et donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire, les géomorphologues qui se disent, ou les géologues qui se disent, ça c'est une perception de sommet dans les années 70 en fait. Hein. On se dit, les géomorphologues disent, il y a la mer, regardez, il n'y a pas d'indice archéologique. Et puis les archéologues disent, nous on n'y va pas parce qu'ils disent que c'est la mer. Donc ça tourne en rond ce système-là. Et donc on a réussi à, depuis 2004, les premières interventions, revenir ici dans la plaine, à remettre ça un peu en cause et à essayer d'avoir une autre perception, beaucoup plus dynamique de l'espace, en disant, en effet, il y a la mer, ce sont les chenaux et les estuaires, ça rentre, ça remobilise des matériaux, etc. Mais il y a également des points qui sont hors eau, et donc des dunes fossiles et des endroits bas dans lesquels, comme on l'a montré là sur le site ici, qui sont occupés par l'homme pour les époques médiévales. Donc vous faites un travail pionnier. On essaye. C'est un travail de longue haleine, multidisciplinaire, sur de grandes surfaces, et on essaye de changer en effet la perception de ces espaces. Carbon 14 a été réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Jérémy Kaufmann et bien entendu avec la contribution de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbon 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inram.fr.